Il est 17h. Ici, c'est l'info qui donne le tempo. Tout de suite, retrouvez le point sur l'actu sur Super Radio. Radio, première radio associative de Martinique. Israël Yakirati.